Que le Seigneur vous bénisse. On va bientôt commencer. Le temps que les autres arrivent. Le temps que les autres arrivent. À la pause, les femmes qui sont ici ont chanté des cantiques. Je ne sais pas si c'est en Foubé ou c'est en Tukuri. On va chanter en Tukuri maintenant fort. Donnez-nous le cantique en tout pourri en attendant que les autres arrivent, d'accord? On reste ici. Après, quand il m'a fait des données, tu vas me dire le titre, ça en français, d'accord? Ok. Chantez alors. Les femmes, levez-vous, vous chantez. On va chanter maintenant. Est-ce que vous chantez aussi en fou? Oui, tu peux aussi chanter en fou. Ok. Non, chantez, c'est pas fini. Les cantiques sont finis. Chantez encore. Chantez. Vous avez beaucoup de cantiques, non? Le titre de là, c'est ça, c'était quoi? Ça dit quoi dans le cantique? Le chant veut dire exactement pour le mot. Thank you. Oh, yeah. Le cantique en quoi? En tout pourri. En tout pourri. Oui, c'est vrai. Il y a le cantique aussi en foufoulbé. Eh oui, il y a le cantique aussi en foufoulbé. Les gens peuvent chanter aussi en foufoulbé aussi. Oui, c'est possible également apporter le cantique en foufoulbé. En foufoulbé, on peut avoir. Bien, si, mais toute l'assemblée, vous savez chanter aussi en foufoulbé. Sinon, on continue. On peut chanter un chant connu. Un chant connu, hein. Allons-y. Hein. Deux cent un. Watan, watan, yes, oh, watan. Wata, wata, wata, wata, Amen. Amen. Merci beaucoup.